Hier soir, la lune était rouge, ce soir, elle est bleue. Mais on n'est pas supporter, hein. Franchement, moi, je suis supporter que de l'OM. sur la crête des anges. Merci. Merci.